Au milieu de l'antichambre, Martinon, qui arrivait en même temps que lui, se retourna. « Comment ? Tu viens ici, toi ?» avec l'air surpris et même contrarié de le voir. « Pourquoi pas ?» Et tout en cherchant la cause d'un tel abord, Frédéric s'avança dans le salon. La lumière était faible, malgré les lampes posées dans les coins, car les trois fenêtres, grandes ouvertes, dressaient parallèlement trois larges carrés d'ombre noire. Des jardinières, sous les tableaux, occupaient jusqu'à hauteur d'homme les intervalles de la muraille. Et une théière d'argent avec un samovar se mirait au fond, dans une glace. Un murmure de voix discrète s'élevait. On entendait des escarpins craquer sur le tapis. Il distingua des habits noirs, puis une table ronde, éclairée par un grand abat-jour, sept ou huit femmes en toilette d'été, et, un peu plus loin, Madame d'Ambreuse, dans un fauteuil à bascule. Sa robe de taffetas lilas avait des manches à crever, d'où s'échappaient des bouillons de mousseline, le ton doux de l'étoffe se mariant à la nuance de ses cheveux. Et elle se tenait, quelque peu renversée en arrière, avec le bout de son pied sur un coussin, tranquille, comme une œuvre d'art pleine de délicatesse, une fleur de haute culture. Monsieur d'Ambreuse et un vieillard à chevelure blanche se promenaient dans toute la longueur du salon. Quelques-uns s'entretenaient au bord des petits divans, çà et là. Les autres, debout, formaient un cercle au milieu. Ils causaient de votes, d'amendements, de sous-amendements, du discours de M. Grandin, de la réplique de M. Benoît. Le tiers-parti, décidément, allait trop loin. Le centre-gauche aurait dû se souvenir un peu mieux de ses origines. Le ministère avait reçu de graves atteintes. Ce qui devait rassurer pourtant, c'est qu'on ne lui voyait point de successeur. Bref, la situation était complètement analogue à celle de 1834.